Chapitre 16e. Le garrote. Zygomar fit un nouveau signe. Les bourreaux, en tournant le treuil, relâchèrent les cordes. Paulin Broquet respira. « C'est le premier tour seulement, » dit Zygomar tranquillement. « Cela doit te donner à penser ce que seront les autres. » Paulin Broquet se mit à gémir lamentablement. « Pitié, pitié, » dit-il encore. « Tuez-moi, mais ne me faites pas souffrir, je ne suis pas Paulin Broquet. » Zygomar le regarda un moment silencieusement, puis il dit « On va suspendre ton supplice, mais tu vas parler. »« Parler ? Oui. Tu vas répondre à mes questions, me dire la vérité, me faire connaître ce que je veux savoir. »« Et vous ne me ferez pas souffrir ? Non. Répondras-tu ? Vous voulez me faire trahir mes chefs ? Répondras-tu ? Je ne peux pas. Tuez-moi. » Sur un geste de Zygomar, on lui appliqua de nouveau le bâillon, et les bourreaux donnèrent un tour de treuil. Paulin Broquet, ne pouvant hurler, essaya de se défendre en remuant, mais ses jambes étaient attachées comme ses bras, tout mouvement lui était interdit. On le tint ainsi quelques secondes, puis on le desserra comme la première fois. On lui enleva le bâillon, il ne put que gémir. « Parleras-tu ? » demanda Zygomar. Paulin Broquet, qui souffrait déjà épouvantablement, baissa la tête. « Pitié, par grâce, tuez-moi tout de suite. Veux-tu parler ? » « Pitié ! » Alors encore un tour de plus. Cette fois, tes poignets vont être brisés. « Grâce, grâce ! » « Parleras-tu ? » ?»« Oui. » Zygomar demanda. « Pourquoi dis-tu que tu n'es pas Paulin Broquet ?»« C'est la vérité, c'est la vérité. » »« Ici, nous t'avons tous reconnu, tous nous te reconnaissons. »« Oui, on doit me reconnaître, il faut quand même qu'on croie que je suis Paulin Broquet. »« Pourquoi ?»« Parce qu'on ne veut pas encore avouer que Paulin Broquet est mort. »« Mort ? On croit qu'il est mort ?»« Mais il l'est bien. »« Vraiment ?» Il a été tué dans la Barbotière. Ah ? Comment sais-tu que Paulin Broquet a été tué dans la Barbotière ? D'abord, chez Clafou, le soir où vous l'avez exécuté, les aides l'ont dit. Puis, quand après l'explosion on a fait des recherches, on a trouvé deux cadavres. Deux cadavres qui étaient ? Celui d'un agent tué d'un coup de couteau dans le dos. L'autre ? Celui de Paulin Broquet. L'autre cadavre n'était pas celui du commissaire qui accompagnait l'agent ? Non, c'était celui de Paulin Broquet. C'est faux. Je dis la vérité. Est-ce que je peux mentir ? Je dis la vérité. Où a-t-on trouvé Paulin Broquet ? Près de la grande voûte écroulée, à l'orifice d'un puits. On croit que c'est là que vous l'avez jeté. Ensuite ? Mais le puits a été engorgé par l'orage de la nuit. Le cadavre de Paulin Broquet, noyé, était revenu à la surface. Alors, comme on ne voulait pas faire savoir qu'il était mort, on a dit que c'était, comme celui de l'agent, le cadavre d'un égoutier. On l'a emporté en le cachant pour qu'on ne le reconnaisse pas et qu'on ne puisse pas faire savoir dans le public, pour ne pas l'affoler, que Paulin Broquet était la victime de Zygomar. Zygomar regarda tour à tour ses assesseurs, semblant les interroger. Les assesseurs, pour toute réponse, inclinèrent leur cagoule. Évidemment, le récit de Paulin Broquet fait de cette façon et dans de telles circonstances, où il semblait plus que téméraire d'essayer de mentir à ceux qu'il tenait, devait paraître sincère à ces bandits. Zygomar demanda encore. « Cependant, la brigade de Paulin Broquet n'est pas démontée. Les Broquets ne sont pas dissous, non. » « Qui les commande ? Gabriel. » Nouveau silence. Nouvel interrogatoire muet de Zygomar. Nouvel assentiment des juges en cagoule. Évidemment, les espions avaient déjà donné tous ces renseignements à Zygomar. Ils devaient parfaitement savoir que depuis l'affaire de la Barbotière, les ordres donnés à la broquetterie, comme on appelait la brigade du détective, étaient signés du nom de Gabriel, et que Gabriel avait pris la succession du cher défunt. La trahison donc de Paulin Broquet, en ce moment, confirmait les renseignements acquis. Zygomar demanda encore à son prisonnier « Connais-tu le vol du collier de la baronne Vancambre ?»« On en a parlé. » »« C'est le poète Antime Souffray qui a raconté la scène à plusieurs personnes, mais aucune plainte n'a été déposée et on n'a pas eu à s'en occuper. »« Qui est ce James Twill ?»« Je ne sais pas. »« Prends garde !» dit Zygomar. Un tour de route te fera faire les aveux nécessaires. Je ne sais pas, je ne sais pas. Eh bien, ce James Twill, c'était toi. Non. C'était Paulin Broquet. Non. Tu mens encore. Paulin Broquet est mort à la Barbotière et ce n'était pas lui, James Twill. Nous allons bien le savoir. Il fit un signe. Les bourreaux appliquèrent de nouveau le bâillon sur la bouche de Paulin Broquet. Ils donnèrent encore un tour de roue et le malheureux se tordit dans d'atroces souffrances. Une sueur froide coulait de son front, ses yeux s'injectaient de sang, et quand les bourreaux enlevèrent le bâillon, sa bouche apparut pleine d'écume sanguinolente. « Eh bien, demanda Zigomar, persistes-tu à dire que ce n'était pas Paulin Broquet ?» Paulin Broquet répondit « Oui. » Un nouveau tour de route rafraîchira la mémoire. À vous, c'était Paulin Broquet. La douleur peut m'arracher un mensonge. Alors ce James Wilt, tu ne sais rien de lui. Nous pensons que c'est bien un voleur américain. Et puis, qui a fait le coup et qui a quitté Paris? Qui vous fait croire cela? Il paraît. Mais Gabriel n'a pas eu à le vérifier. Il paraît que le collier a été démonté et que les diamants ont été emportés en Angleterre pour être négociés. Tu dis vrai? Faut-il que la roue... C'est la vérité. Zigomar laissa Paulin Broquet reprendre haleine. La poitrine du malheureux haletait. On voyait qu'il souffrait atrocement. Et Zigomar pouvait penser qu'aucun homme sous cette douleur aurait assez d'héroïsme pour déguiser la vérité. Au bout d'un moment, il reprit son terrible interrogatoire. « Mais toi, puisque tu te défends d'être Paulin Broquet, qui donc es-tu? Un agent de la brigade. Un Broquet? Un chef? Non, un simple Broquet. Quelle est ta mission, ton rôle ?» Mon rôle me porte malheur ce soir, car je dois jouer les Paulin Broquet, ce qui veut dire que je ressemble à Paulin Broquet. On ne ressemble pas ainsi à un autre homme, ce n'est pas possible. Paulin Broquet, en secouant sa tête blême et endolorie, répondit « Hélas, voyez bien que si, et ce n'est pas la première fois qu'on voit de ces ressemblances étranges. Tu crois? J'en suis la preuve. » Zigomar regarda encore son prisonnier, mais Paulin Broquet paraissait souffrir. Il semblait sur le point de tomber en défaillance. Sa tête penchait sur son épaule. Il soupirait longuement, se plaignant à voix basse. « Que je souffre! Que je souffre !»« Pourquoi voulait-on te faire passer pour Paulin Broquet ?» demanda Zigomar. « Pour les mêmes raisons qui ne permettaient pas de laisser connaître sa mort, pour ne pas alarmer le public et lui donner à croire que Paulin Broquet continuait à pourchasser les terribles aides. Vraiment ?» C'est une satisfaction donnée à l'opinion pour éviter des réclamations, des demandes, des sommations à la préfecture, et aussi pour ne pas augmenter l'audace des vulgaires malfaiteurs. Et puis, fit Zigomar ailleurs. Paulin Broquet ne répondit pas tout de suite. Il sembla reprendre haleine, comme si ce qu'il venait de dire lui avait demandé beaucoup de peine, et si les souffrances de cet atroce supplice l'accablaient encore. Et puis, reprit-il lentement, il fallait enfin montrer un Paulin Broquet, car on ne pouvait indéfiniment le tenir secret. Alors c'est moi qu'on a choisi à cause de cette ressemblance. C'est moi que l'on faisait voir souvent, et bien avant l'affaire de la Barbotière, pendant que Paulin Broquet, le vrai, opérait ailleurs, moi je restais à Paris. Je me montrais, je jouais mon rôle. Cela réussissait, oui. Jamais personne ne s'est douté que Paulin Broquet eût un sosie. C'est ce soir la première fois que Zigomar dit au bourreau. « Fouillez cet homme, prenez ce qu'il a dans ses poches et apportez-le-moi. » Pendant qu'on fouillait Paulin Broquet, le chef des bandits lui dit « Si dans tes poches je trouve la preuve que tu as dit la vérité, c'est bon. Je t'ai promis de t'éviter le supplice. Si tu as menti, quelques tours de roue t'en font repentir en te brisant les os. » On déposa sur le bureau de Zigomar divers objets, un revolver, un couteau, des postiches et quelques papiers. Zigomar ne se soucia pas des objets. Il parcourut seulement les papiers. Il n'y a pas de nom ni d'adresse, dit-il à Paulin Broquet. Non, il n'y en a jamais. Ce sont les feuilles de service qu'on nous remet. Elles portent un numéro seulement. Nous avons chacun le nôtre. Zigomar lui à haute voix. Entrer chez Ulma. Voir. Écouter atelier. Revenir deuxième étage. Faire signal par croisée. Puis il dit. C'est signé Gab. Gabriel, oui. Vous voyez que c'est Gabriel qui donne les ordres, non Paulin Broquet. Ce papier contient ma consigne secrète. Je ne prévoyais pas que je serais pris, donc elle n'est pas préparée pour ma défense. C'est la preuve que tout ce que je vous ai dit est la vérité. Zigomar ne répondit pas. Il reprit son immobilité et se replongea dans le silence. Paulin Broquet se remit à geindre. Puis, coupant ce silence effrayant, sur un ton lamentable et pleurnichard, il reprit « Je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité. C'est Gabriel qui a donné les ordres, c'est lui qui a préparé l'expédition de ce soir. Seulement, il n'est pas de la force du chef, et le coup ne peut réussir puisque vous l'avez éventé. Moi, je suis brûlé maintenant. » Après avoir encore gémi sur ses souffrances, il ajouta « Une preuve que je ne suis pas Paulin Broquet, c'est que vous m'avez pris. » « Nous avons déjà pris une fois Paulin Broquet. » « Oui, mais il n'était pas homme à se laisser prendre une seconde fois. » Il n'aurait pas commis la folie de s'engager seul dans la maison occupée par les aides, et de vouloir encore pénétrer dans la nouvelle barbotière. Moi, j'ai dû obéir. Voilà le résultat. Paul Abroquet n'aurait pas fermé la porte de l'escalier sans s'assurer que la serrure tenait bien. Il n'aurait pas continué à monter sans être sûr que derrière la porte il n'y avait personne. Moi, je n'ai pas pensé à la serrure dévissée. Zygomar et ses assesseurs écoutaient Paul Abroquet sans bouger, sans que rien trahît leur opinion. Le croyait-il ou doutait-il encore? Jouait-il avec lui en ce moment ou était-il sa dupe? Problème angoissant, dont les cagoules masquaient la solution. Enfin, Zygomar parla. Quelle était ta mission? Que devais-tu faire? Mon bulletin de consigne vous le dit. Donne-nous tous les détails. Gabriel, ses hommes, la brigade tout entière est autour de la maison. Je devais, moi, m'assurer seulement de la séance de Zygomar, puis donner le signal. Ce signal, quel est-il? Un long coup de sifflet. Tu n'as pas de sifflet dans tes poches. Je devais siffler avec les doigts, un grand coup. Quelle modulation? En faisant pioui. C'est tout, c'est tout. Alors Zygomar fit un signe. Les bourreaux détachèrent Paul Abroquet du garrot, le levèrent de la chaise, le mirent debout. Paul Abroquet se mit à trembler. Qu'est-ce que vous allez me faire? Gémit-il. Vous aviez promis de ne pas me torturer. C'est lâche, c'est infâme. Vous aviez juré, pitié, puisque j'ai tout dit. Un des bourreaux lui appliqua un bâillon d'étoffe sur la bouche et arrêta ses cris, ses gémissements, ses prières. Dans ses yeux seulement se lisait à présent sa terreur. Deux bourreaux avaient apporté un banc de bois assez lourd. Ils couchèrent dessus Paul Abroquet, le lièrent solidement. Mais ils lui détachèrent les jambes. Paul Abroquet pouvait les bouger, comme eût fait un homme simplement couché sur ce banc. C'était un raffinement de cruauté, car en même temps, il lui passait au cou le nœud coulant d'une corde attachée au plafond. Ils ajustèrent cette corde de telle façon que si Paul Abroquet essayait de bouger, s'il se renversait avec le banc, il devait infailliblement s'étrangler, se pendre. Ensuite, ils lui lièrent sur la poitrine une cartouche de dynamite. À cette cartouche était amorcée une mèche assez longue, dont le bout opposé partait du bureau de Zygomar. Un des bourreaux mit sur ce bureau une bougie allumée. Alors Zygomar se leva. Les assesseurs l'imitèrent, et Zygomar dit solennellement « Qui que tu sois, agent de la célèbre brigade, simple Broquet au chef, tu peux ressembler en effet singulièrement à Paul Abroquet. Tu peux avoir son visage, tu n'en as pas l'âme. » Zygomar se plaît à rendre justice à ses ennemis. Lorsque Zygomar a tenu Paul Abroquet à la barbotière, il a salué sa vaillance, son courage, sa folle bravoure. Son héroïsme devant la mort augmentait la beauté de notre triomphe. C'était un ennemi digne d'être vaincu par Zygomar. Mais toi, tu es un misérable. Tu as le cœur d'un lièvre. Et depuis que tu es là, tu trembles comme un chacal famélique pris au piège. Tu meurs de frayeur et tu n'as su que pleurer, que demander grâce. Paul Abroquet aurait bravé ses bourreaux. Il eût insulté ses juges et il aurait ri au plus fort de la torture. Paul Abroquet se fût montré le soldat mourant pour la cause qu'il sert. Toi, tu as trahi les tiens, tu as trahi tes chefs, tu as failli à ton devoir, tu es un indigne, tu es un veul, tu es un pleutre. Zygomar te repousse du pied comme un chien, et en guise de salut te couvre de son mépris. Alors il prit la mèche, il alluma la bougie, puis il souffla cette bougie. Paul Abroquet suppliait « Pitié, miséricorde, grâce, grâce !» Zygomar dit encore « Tu as le temps de recommander ton âme basse et vile, si tu en as une, ô Dieu des traîtres, car cette mèche va brûler pendant 5 minutes avant que la cartouche ne broie ton cœur de lâche. » D'un coup, les lampes suspendues au plafond s'éteignirent. Paul Abroquet entendit des pas précipités. Il sentit le froid venir par une porte ou une croisée ouverte. Puis il comprit qu'il était seul dans le grenier. Dans la nuit profonde, maintenant un petit point rouge apparaissait à terre. C'était la mèche qui brûlait, qui gagnait peu à peu, venait à lui lentement. Dans 5 minutes, elle aurait accompli sa marche régulière, implacable.